إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va lire ensemble une risala de Cheikh Mohamed Bazmoul, hafizahullah, qui s'intitule As-Salafiyatu wal-Khitabu al-Dini, c'est-à-dire la salafia et le discours religieux. Et le Cheikh, il a donné ce sujet dans une conférence qu'il a donnée dans un séminaire qui s'appelait le séminaire de l'imam Mohamed ibn Abdul Wahhab à Mecca, al-Mukarramah, dans la mosquée de Cheikh Nasir al-Assaf ou al-Assaf, et c'était le vendredi du 8e mois de l'année 1431 de la Hijra. Il dit qu'il a changé des choses dedans, il a rajouté des choses et il a enlevé d'autres selon ce que l'écrit nécessite. Hein, parce que quand on parle et quand on écrit, c'est deux choses différentes. Et donc, quand on a pris une conférence qui était à la base une conférence parlée, un audio, et qu'on l'a transcrit, eh bien entendu, on doit l'adapter à l'écrit. Et donc, il a dit, j'ai fait quelques changements, j'ai enlevé, j'ai ajouté. Et dans cette conférence, il a débattu d'un sujet qui est en fait les attaques qui sont dirigés vers le discours religieux salafi. Et il y a beaucoup de critiques et d'attaques qui sont lancées contre le discours religieux salafi, qui est en fait le discours qui est basé sur les textes du Coran et de la Sunna et des paroles des salafs et des ulama de l'islam. Donc, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce discours-là, et qui veulent qu'on le change, qui veulent qu'on l'adapte, qui veulent qu'on le transforme pour que ce soit en accord avec les idées, et les tendances et les idéologies du siècle dans lequel on vit et de l'époque, et aussi pour que ça fasse plaisir aux kuffars. Donc il y a beaucoup de pression de tous les côtés à ce sujet-là, et on le voit et on l'entend tous les jours dans les médias, et donc c'est important de savoir comment répondre à ces attaques, comment répondre à ces critiques. Donc le cheikh, il a expliqué ce livre, et dans ce livre, donc, il a divisé en trois parties. L'introduction, le sujet et la conclusion. Donc l'introduction, c'est les trois points suivants. Il dit كيف جاءت الدعوة إلى الإصلاح الديني ثلاثة أمور بين يدي رد الطعون وهي الأمر الأول أن التغيير سنة الله عز وجل في خلقه الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الداء وأرشد إلى الدواء والأمر الثالث أن وظيفة الإنسان في هذا الكون هي تحقيق العبودية لله رب العالمين. Donc le cheikh il dit devant la réfutation de ces critiques et de ces attaques, il y a trois choses à clarifier. Premièrement, que le changement et le fait que des choses changent, c'est une règle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Deuxièmement, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié le problème, il a expliqué qu'est-ce que c'est le problème, et il nous a indiqué également en même temps le remède pour ce problème. Et troisièmement, c'est que le rôle et la tâche de l'homme dans cet univers, c'est de réaliser l'adoration et l'asservissement et la soumission à Allah. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Ça, c'est le but de son existence. Et c'est ça ce qu'il doit essayer de réaliser. Donc ça, c'est les trois points que le cheikh a expliqué en premier avant de commencer à répondre aux critiques et aux attaques. Ensuite, il a mentionné les critiques et les attaques en question. Il a dit « Zikru al-ta'un wa munaqashataha » ذكر الطعون ومناقشتها وهي التالية. Donc le cheikh il a mentionné 10 critiques qui sont faites au discours religieux qui est basé sur la voie des salafs et le manhaj des salafs. 10 critiques qui sont dirigées vers ce discours. Le premier, أنه خطاب متطرف عنيف يقصي المخالف ولا يحاور. Donc la première attaque, première critique, c'est que ce discours là c'est un discours extrémiste, violent, qui exclut l'opposant ou celui qui est en opposition et qui n'appelle pas au dialogue, qui n'est pas ouvert au dialogue. Ça c'est la première critique. Et on va répondre à chaque critique une par un, chaque critique va être répondu et clarifié. La deuxième critique. أنه خطاب تراثي يريد أن يرجع المجتمع للوراء وأن يحكم بموازين العصور والأزمنة الماضية. La deuxième critique, c'est que ce discours est un discours traditionnel et qu'il veut il est rétrograde et il veut ramener la société vers le passé, vers l'arrière. Et qu'il veut juger par des critères de jugement des époques et des temps passés. Ça, c'est la deuxième critique. Troisième, يغلب عليه أسلوب الوعظ والتذكير. La plupart des choses, la méthode qui est employée dans ce discours-là, c'est l'exhortation et le rappel. Quatrièmement, يغلب عليه الإرهاب والترهيب. Que c'est quelque chose qui se manifeste plus avec des exemples de terrorisme ou de moyens de faire peur ou d'effrayer. Cinquièmement, بعيد عن فقه الواقع وهو يناقش الأموات ولا يناقش الواقع. Une autre critique qui est faite, c'est que c'est un discours qui est loin de l'actualité et du monde actuel, et qui débat avec des morts, ou bien qui ne discute pas ou qui ne débat pas les questions actuelles. Sixièmement, يحد أو يحد من عن من من حرية الفكر والانطلاق وحقوق الإنسان. Ils disent que c'est une autre, la sixième exemple de critique, c'est que c'est quelque chose qui limite la liberté de penser et les droits de l'homme. سابعا يعيق الأمة عن طريق التقدم والحضارة. Elle obstrue le chemin de la Ummah vers l'évolution et la civilisation. Huitièmement, يفتقروا للظهور الإعلامي. Il lui manque une apparence ou une présence médiatique. تاسعا, بعيد عن المشاركة السياسية لأصحاب القرار. Ils disent qu'elle est loin de la participation politique et des gens qui prennent les décisions. عاشرا يقوم على أساس تقديس الأشخاص سواء من العلماء أو الأمراء. Donc ils disent que c'est basé sur le fait de vénérer des personnalités, soit que ce soit des ulama ou des dirigeants. Et le cheikh dit wa as'al Allah at-tawfiq wa an-najah wa al-qabul fi ad-dunya wa al-akhirah. Donc là le cheikh il va répondre à chacune de ces critiques. Mais avant ça, il va expliquer certains points. Donc il dit al-madkhal, kayfa ja'at ad-da'wa ila al-islah ad-dini? Comment est venu l'appel à la réforme religieuse, à vouloir réformer ou changer le discours religieux? Et la réalité, c'est pas une vraie réforme dans le sens de l'islam. C'est plutôt dans le sens de ceux qui appellent à changer l'islam et ils prétendent qu'il faut réformer l'islam dans le sens qu'il faut déformer la réalité de l'islam et changer l'islam. C'est ça qu'ils veulent vraiment faire. Mais ils utilisent le terme « islah » comme si c'était pour ramener l'islam à quelque chose de mieux, dans le sens que on veut purifier l'islam des innovations et des choses qui ont été ajoutées ou enlevées et ramener l'islam à sa pureté. Ça, c'est le vrai sens de « al-islah ». Mais si c'est « al-islah » dans le sens qu'on veut changer l'islam pour que ce soit plus en accord avec les pensées ou les idées des gens dans les pays occidentaux ou des choses comme ça, ça c'est pas dans ce cas-là de la réforme, c'est de la corruption en réalité. Et le cheikh il explique ça, il dit min muntalaq al-harb 'ala al-irhab wa tajfif manabi'ihi ja'at ad-da'wa ila islah al-khitab ad-dini haythu min al-wadih min al-wathaiq al-amrikiyya ومن آراء بعض الخبراء الأمريكان المتخصصين أن الإصلاح المطلوب هو تغيير ثقافي بنيوي في المجتمعات العربية والمسلمة من خلال استبدال القيم الاجتماعية الأساسية التي تحكم تصورات الناس وسلوكهم وتشكل رأس المال الاجتماعي الذي يحمي هذه المجتمعات من الفساد والانحراف الأخلاقي وصولا إلى تغيير القيم الأساسية الحاكمة في حياة الناس الاجتماعية لتصبح أشبه بالنموذج المستنسخ الردي للفساد الأخلاقي الغربي. Donc ici le cheikh il dit que à la base quand il y a eu comme on a commencé à entendre parler de la guerre au terrorisme et le fait de vouloir déclarer la guerre au terrorisme et de vouloir assécher sa source, eh bien on a vu apparaître un appel à vouloir réformer le discours religieux parce que les gens se sont dit que si il y a eu des musulmans qui ont commencé à faire des actes de terrorisme ou des choses de ce genre, que c'était à cause du discours religieux. Et donc, il fallait changer le discours religieux. Et, bien entendu, il y a toutes sortes d'études qui ont été faites et des choses qui ont été ramenées de la part de certains experts parmi les Américains et autres qui ont fait des recherches sur ce sujet-là. Et ils ont dit que pour arriver à changer le discours religieux, et amener une réforme, eh bien, il faut changer la constitution de base culturelle dans la société arabo-musulmane à travers un remplacement des valeurs sociales fondamentales qui régissent les conceptions des gens ainsi que leur conduite et qui représentent le capital social qui préserve ces sociétés du désordre, de la déviation morale, pour arriver à faire un changement de valeurs fondamentales qui gère dans ce qui gère la vie sociale des gens et pour qu'elles deviennent plus proches du modèle copié, qui est une mauvaise copie de la corruption morale qui existe en Occident. Donc c'est comme s'ils essaient de dire qu'il faut changer la société arabo-musulmane pour qu'elle devienne plus selon le modèle occidental. Et donc voici les conseils qu'ils ont donnés pour arriver à cet objectif. Premièrement, ils ont dit تهميش الدين في الحياة الاجتماعية للناس وذلك عبر إغراق الشعوب العربية والإسلامية بأنماط مختلفة من الحياة العصرية الغربية وحيازة التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيا ذات الطابع الترفيهي. Donc premièrement, c'est de mettre la religion en marge de la vie sociale des gens. Et c'est en noyant les peuples arabes et musulmans dans toutes sortes de choses qui composent la vie occidentale moderne. Et c'est en particulier la technologie moderne et tout ce qui a rapport avec le divertissement en particulier. Donc, c'est-à-dire noyer la société musulmane, arabo-musulmane dans les divertissements. Deuxième point qui a été mentionné, التقريب بين الديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام عن طريق تكوين لجنة عليا من المحمديين أي المسلمين والمسيحيين واليهود لتبصير كل شعوب العالم بالتقارب بين الأديان الثلاثة كما تتحدث الخطة وتقترح ضمن ما تقترحه بشأن هذه اللجنة أن تعمم هذه اللجنة توصيات ملزمة لكل الدعاة في العالم العربي والإسلامي بحيث لا يخرجون عن هذه التوصيات. Donc ils disent que ils veulent appeler à l'unification et au rapprochement des trois grandes religions, comme ils les appellent, le judaïsme, le christianisme et l'islam, en créant des comités qui sont composés des trois religions pour essayer de, d'amener les différents peuples du monde à se rapprocher entre les trois grandes religions. Et il suggère de créer un comité et dans ces comités-là, il donne comme consigne qu'il faut imposer à tous les prêcheurs dans le monde arabe et musulman qu'ils doivent ne pas sortir de ces consignes-là. Ils ne doivent pas sortir de ces consignes, c'est-à-dire d'appeler au rapprochement entre les trois grandes religions. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est un autre point. Le point numéro 3 parmi les consignes qu'ils ont donné, c'est تحويل المساجد إلى مؤسسة اجتماعية تتضمن حدائق للأطفال والسيدات وفقدان المسجد لهيبته وخصوصيته وأن تتولى الإشراف عليه شخصية غير دينية ناجحة. Donc ils veulent transformer les mosquées en des institutions sociales qui comprennent des garderies pour les enfants et des endroits où les femmes, les gens peuvent se réunir. Et en fait, c'est de faire perdre à la mosquée son prestige et son respect et sa particularité, et de faire en sorte que ceux qui gèrent ces mosquées-là soient des personnalités non religieuses qui ont réussi dans la société, soi-disant. Quatrièmement, خضوع خطبة الجمعة والخطباء تحت رقابة أجهزة الأمن في الدولة وأن يتم البعد عن تأسيس الخطبة عن تسييس الخطبة أو تعرض للجانب الحياتي أن تعرض للجانب الحياتي أو المجتمعي بمعنى علمنة الخطبة أي منع الحديث عن الأمريكان أو اليهود أو الحديث عن الجهاد وبني إسرائيل. هذا الذي يقولون. فيقول il dit de soumettre la khutbah de Jumu'ah ainsi que les gens qui vont faire la khutbah à des institutions qui vont surveiller les khutab dans l'État, et de faire en sorte que la khutbah soit loin de toutes les questions qui sont reliées à la vie ou la société. C'est-à-dire, ils veulent comme laïciser la khutbah et de faire en sorte que dans la khutbah, il n'y ait aucun discours qui soit relié aux Américains, aux Juifs ou au djihad ou à la question de Bani Israël ou des choses comme ça. Le point numéro 8, ça c'est les conseils qui ont été donnés par les Américains dans le rapport qui a été fait par les consignes américaines. Ça c'est ce qu'ils ont mentionné dedans. Après il a dit « وتهدف الخطط الأمريكية إلى أن تصبح خطبة الجمعة حلقة نقاشية للجميع لا ينفرد بها الخطيب وحده حيث ستكون الخطبة بذلك أكثر ديمقراطية في نظرهم كما تهدف إلى أن تشارك المرأة في خطبة الجمعة حيث رأوا أنه لا توجد نصوص دينية تمنع المرأة من ذلك. Donc ils essaient de, un de leurs objectifs c'est parmi les plaintes des Américains qui ont été faites par les Américains par rapport à cette question, c'est de faire en sorte que la khutba de Jumu'ah soit comme un genre de d'assises dans lesquelles les gens peuvent tout le monde peut participer et tout le monde peut débattre, et que c'est pas seulement le khatib qui fait le discours mais tout le monde peut participer et argumenter et débattre pour que ce soit plus démocratique selon leur point de vue, et que même la femme pourra participer à ça et elle aussi pourra faire la khutba de Jumu'ah puisqu'ils prétendent qu'il n'y a pas de texte religieux qui empêche la femme de le faire. Et ensuite un autre point, il dit un yukaffal lil mar'a subul al ikhtilat ma' al rijal wal musharakah fi tadrib في التدريب على الانتخابات وتعليم المرأة الديمقراطية. Donc ils veulent que la femme se mélange aux hommes et qu'elle se mélange aux hommes dans la société et qu'elle se pratique à participer à la démocratie et aux élections, et qu'on apprenne à la femme la démocratie. Un autre point, c'est إلغاء مادة التربية الدينية الإسلامية. Donc, ils veulent éliminer l'éducation religieuse islamique. مع تخصيص يوم كامل للقيم الأخلاقية والمبادئ بدلا منها. Donc, ils veulent remplacer l'enseignement religieux islamique par un jour qui parlera des valeurs morales et des principes à la place, des fondements de la morale à la place de la religion. وَالْعَمَلُ عَلَى اكْتِسَابِ الطُّلَّابِ مَهَارَاتِ التَّسَامُحِ وَالتَّحَرُّرِ مِنْ اعْتِقَادِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Donc ils veulent essayer de donner aux étudiants les valeurs de la tolérance, soi-disant, et de les libérer de la croyance que les musulmans sont la meilleure nation qui est venue pour les hommes. وَيَعْلَمَ الْجَمِيعُ أَنَّ الْعَقَائِدُ وَالْأَدْيَانُ هِيَ نَتَائِجُ التَّنْشِئَةِ الْإِجْتِمَاعِيَةِ وَالْأَفْكَارِ الْمُسَبَّقَةِ وَأَنَّ الْإِنْتِمَاءَ لِلْإِنْسَانِيَّةِ هُوَ الْجَامِعُ لَهُمْ أَمَّا الْمُعْتَقَدَاتُ فَهُمْ أَحْرَارُ فِيهَا. Donc, en d'autres mots, ils veulent libérer les musulmans de leurs croyances islamiques et les ramener plus à des notions humanistes et des choses de ce genre. Donc, ça, c'est des choses qu'ils ont mentionnées dans leurs écrits par rapport au discours religieux. Et le Cheikh Bazmoul, il dit « هذه الدعوة إلى الإصلاح الديني استغلها بعض الناس فرصة له فوجه السهام النقد إلى الخطاب الديني لدى علماء أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على نهج السلف الصالح، فأديرت الخصومات والحوارات ضد من يرونهم يمثلون التيار السلفي باسم إصلاح الخطاب الديني، فتارة يقولون التكفير والعنف سببه كتب أئمة الدعوة، وتارة يقولون هؤلاء لا يعيشون واقعهم، وتارة يقولون إلى متى تمضي الأوقات في مناقشة الأموات، وتارة يقولون لا بد من عصرية المواجهة، وتارة يقولون هؤلاء ليس لديهم إلا الوعظ، وتارة يقولون يعني سمتهم الترهيب والوعيد. ومجمل ملامح من يدعون إلى إصلاح الخطاب الديني في خصومتهم مع السلفيين تتخلص في اتهامهم الخطاب السلفي بالأمور التالية. Donc on a déjà mentionné les accusations. Le cheikh il dit que donc ils appellent à réformer la religion, hein, et les gens, quand ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, dans les différents pays, quand il y a eu des attentats terroristes et toutes ces choses-là, ils ont utilisé ça comme prétexte pour essayer d'envoyer les flèches de la critique du discours religieux contre les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui suivent la voie des salaf salih. Et ils ont voulu faire des débats et des discussions avec eux. Et ils ont considéré que ceux qui représentaient cette tendance-là, c'était les salafis. Et donc ils ont fait qu'est-ce qu'ils appellent l'appel à la réforme du discours religieux. Et des fois ils disent que les livres des imams de la da'wah, c'est eux qui renferment des idées de takfir, de violence. Hein? Comme par exemple, des fois, ils accusent les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils disent c'est dans ces livres-là qu'il y a le takfir et qu'il y a la violence. Ou dans les livres de fiqh des imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils disent, mais des fois aussi, ils disent qu'on ne vit pas dans la réalité ou dans l'actualité. Des fois, ils disent jusqu'à quand vous allez continuer à débattre avec des morts. Ils disent aussi parfois, il faut qu'on ait une confrontation contemporaine et moderne. Ils disent aussi que les gens de la Sunna n'ont que l'exhortation. Et que il y a des choses comme ça. Et donc le cheikh il dit que la plupart de leurs critiques et de leurs attaques contre les salafiyins se résument dans les points qu'on a mentionnés et que je vous ai lus tout à l'heure. Les 10 points hein, qu'on a cités au début. Et donc le cheikh il va commencer à les réfuter un par un et mentionner les preuves et les textes du Coran et de la Sunna à propos de chacune de ces accusations là. Donc al-amru al-awwal anna at-taghyir sunnatullah. Ça c'est les 3 premiers points qui sont l'introduction avant de commencer à répondre aux questions qu'on a mentionnées. Al-amru al-awwal anna at-taghyir sunnatullah. C'est-à-dire que le changement, ça fait partie des règles d'Allah dans sa création. Et il dit wa qad jaa fi hadith al-Urbad ibn Sariyah qal wa adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman ba'da salat al-ghada maw'izatan baligha dhafarat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub fa qala rajulun inna hadhihi maw'izatun muwaddi'in fa madha ta'ahad ilayna ya Rasulullah قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وفي لفظ ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيل انقاد. Donc le cheikh il cite pour commencer les deux narrations ou deux versions du hadith de Al-Irbad ibn Sariyah, dans lesquelles il mentionne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné une exhortation, et c'était une exhortation qui était très touchante, qui a fait couler les larmes des yeux et fait frémir les cœurs. Et les sahaba ont demandé, ou un homme a demandé après cette exhortation au messager d'Allah, on dirait que tu nous donnes une exhortation d'adieu, comme quelqu'un qui fait ses adieux. Alors qu'est-ce que tu nous enjoins, ou qu'est-ce que tu nous laisses, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil qu'on doit suivre au messager d'Allah? Et il a dit, je vous donne comme conseil de craindre Allah, hein, et d'écouter et d'obéir à celui qui est votre dirigeant, même si c'est un esclave éthiopien. Parce que celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors prenez garde aux choses inventées dans la religion, car c'est des égarements. Et celui d'entre vous qui trouve cela, alors qu'il s'accroche à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, et mordez dedans avec vos molaires. Et dans la version de Ibn Majah, il dit, je vous ai laissé sur une voie claire, blanche, sa nuit est comme son jour, et personne ne s'en écarte ou s'en détourne excepté après moi, excepté qu'il sera perdu, hein, qu'il sera dans la perdition. Et quiconque vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ce que vous connaissez de ma sunna et de la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, et mordez dedans avec vos molaires, et obéissez à votre dirigeant, même si c'est un esclave éthiopien, car le croyant est comme un chameau, là où on l'attache il reste. Et il dit, wa mahallu ash-shahid qawluhu wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira wa hadha ma'nahu huduth taghayyur ba'da wafatihi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on veut montrer comme élément ici dans ce hadith? C'est la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui vit après moi, il verra beaucoup de divergences. Ça signifie qu'il y aura des changements après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ مَا ذَكَرْتُهُ لَكَ مَا جَاءَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءَ تَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءَ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إلا أنهم يصلون جميعا. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Et c'est une histoire qui mentionne que c'est rapporté selon Salim. Il dit, j'ai entendu Umm al-Darda qui a dit que un jour Abu Darda est rentré chez moi, il était fâché. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a fâché? Et il dit, par Allah, Je ne reconnais rien de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté qu'il prie en groupe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui avaient changé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, wa qala al-hafiz ibn Hajar qawluhu yusalluna jami'an ay mujtami'in wa huzif al-maf'ul wa taqdiruhu as-salat aw as-salawat ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان. Donc le cheikh il cite les paroles de Al-Hafiz ibn Hajar qui est mort en l'an 852 de la Hijra dans son explication de Sahih al-Bukhari qui s'appelle Fath al-Bari. Et il explique la parole de Abu Darda lorsqu'il dit excepté qu'ils priaient ensemble, c'est-à-dire qu'ils prient en groupe, c'est-à-dire qu'ils se réunissent pour faire la salat. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici Abu Darda? C'est que les actions comme elles sont mentionnées, il y a eu des œuvres que les musulmans font, dans tout ce qu'ils font il y a eu des changements, soit des ajouts ou des changements, ou plutôt des diminutions ou des changements. Et il dit que, excepté le fait qu'ils se réunissaient pour la salat. Et il dit que ça c'est une chose qui est relative, parce que l'état des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était plus complète que qu'est-ce qu'elle est devenue par la suite. Il dit, puis ensuite, à l'époque des deux cheikhs, Abu Bakr et Omar, elle était plus complète que qu'est-ce qui est arrivé après. C'est-à-dire qu'à chaque époque qui arrive, eh bien, la religion, elle perd. Ou bien disons que les gens s'éloignent un peu plus de la perfection dans laquelle ils étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le temps qui passe. Et donc, il dit que il semble que cette parole ait été dite de la part de Abu Darda vers la fin de sa vie. Et ça, c'était vers la fin du Khilafa de Uthman, radiyallahu anhu. Et donc, le Cheikh Ibn Hajar dit, et donc, si ça c'était le cas à cette époque méritoire et cette belle époque dans laquelle il vivait à son époque, et que c'était dans cette façon-là déjà à l'époque pour Abu Darda, alors que dire de ceux qui sont venus après, parmi les différentes époques qui sont venues. Et effectivement, puisqu'aujourd'hui on est en l'an 1437, si je ne me trompe pas, donc plus on s'éloigne de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus les gens sont loin de l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba. Et donc le cheikh il dit فالتغيير أو فالتغير حاصل في الأمة ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم فيما جاء الخبر عن تجديد الدين وعن أبي هريرة رضي الله عنه يعني فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها والمراد بالتجديد كما بينه يعني في عون المعبود إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات فليس معنى تجديد الدين تغييره أو إلغاء بعض ما جاء فيه أو الخروج عن أصوله لا فإن الدين صالح ومصلح لكل زمان ومكان فالتغير والاختلاف عما كان عليه الأمر الأول حاصل وعلاجه بالرجوع إلى الدين الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الإصلاح. Donc le cheikh il explique ici que c'est sûr qu'il y a eu des changements après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait mentionné lui-même, et il a dit également que il y allait avoir toujours des gens qui allaient venir pour réformer et ramener l'islam, ramener la religion à sa pureté et à sa forme originale. Et c'est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu dans le hadith qui est apporté selon Abi Huraira par Abu Daoud, l'imam Abu Daoud dans son Sunan, il dit dans ce que j'ai su de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que Allah allait envoyer à cette ummah à la tête de chaque siècle quelqu'un pour régénérer sa religion. régénérer sa religion, c'est-à-dire, comme c'est expliqué dans l'explication du hadith dans le livre Aoun al-Ma'boud, il dit que dans le but de faire revivre ce qui a été perdu de la pratique du livre et de la sunna, et de l'application de ce qui est impliqué dans le Coran et dans la sunna, et de faire mourir ce qui est apparu comme innovation et chose inventée dans la religion. Et il dit que la signification donc du terme tajdid, si certains le traduisent par le fait de réformer la religion ou renouveler la religion, eh bien ça ne veut pas dire de la changer, mais plutôt ça veut dire ça veut pas dire de la changer ou d'annuler des choses qui sont dedans ou de sortir de ses fondements, mais plutôt ça veut dire de ramener la religion à sa pureté, d'enlever qu'est-ce qui a été rajouté comme innovation et de faire revivre les choses qui ont été oubliées ou négligées. Et donc c'est pas de ramener une nouvelle religion ou de changer la religion ou d'annuler des choses qui font partie de l'islam, car la religion elle est déjà parfaite et elle est bonne pour toutes les époques et pour tous les endroits. Donc ça c'est qu'est-ce qu'il faut comprendre. Et donc at-tajdid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a mentionné et il a expliqué ce que c'était, et il a expliqué qu'il y allait avoir des divergences et que la façon de gérer ces divergences là c'est de ramener les choses à comment elles étaient au tout début, en revenant à la religion que pratiquait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Et c'est ça la signification de la réforme réelle. ثانيا الامر الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين الداء وارشد الى الدواء عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لا طريق للناس إلى الرجوع إلى الدين إلا بالعلماء. فإذا أضاعوا حق العلماء وما عادوا يعرفونهم وزهدوا فيهم واتخذوا رؤوسا جهالا فكيف يرجعون إلى الدين. والدين هو ما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة ثم قال في آخره ثم انطلق يعني السائل الذي جاء يسأل على تلك الهيئة العجيبة فلبث مريا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Donc le cheikh il explique comme deuxième point que le messager sallallahu alayhi wa sallam il a montré le problème, la maladie, et il nous a indiqué le remède. Et il dit que c'est rapporté selon Ibn Omar radiallahu anhu qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait: lorsque vous allez commencer à faire du commerce avec des différentes formes de riba, et une en particulier qu'on appelle al-ayna, et que vous allez prendre la queue des vaches, et que vous allez être satisfait de l'agriculture, et que vous allez abandonner le jihad, Allah va faire tomber sur vous une humiliation qu'il ne va pas retirer jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud, et également est rapporté aussi dans la musnad de Abu Ya'la, également par Al-Bayhaqi dans As-Sunan Al-Kubra. Et le hadith il est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Silsilat Al-Ahadith Al-Sahiha. Donc ce hadith là, le cheikh après avoir mentionné le hadith il dit Donc c'est ça, Allah va faire tomber sur vous une humiliation qu'il ne va pas retirer de vous jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et il dit qu'il n'y a pas de moyen pour les gens de revenir à leur religion excepté par les ulama. Il dit si les gens ont complètement laissé tomber le droit des ulama et qu'ils ne les connaissent, ils les reconnaissent plus, et que ce soit, ils les ont délaissés, et ils ont pris à leur place des têtes ignorantes, alors comment pourront-ils revenir à la religion ? Il dit, quand on parle de la religion, on parle de ce qui a été mentionné dans le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsque il est venu demander à propos de l'islam, de l'iman et de l'ihsan, et des signes de l'heure du jugement dernier. Puis à la fin, lorsqu'il est parti, ils ont dit, celui qui est parti, ils ont demandé à son sujet où est-ce qu'il était, il a dit il est parti. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Omar, est-ce que tu sais qui était le questionneur? C'est qui la personne qui est venue pour poser les questions? Et il a répondu en disant, Allah et son messager c'est mieux. Et il a dit c'était Jibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion. Donc la religion c'est ce qui est mentionné dans ce hadith. الإسلام والإيمان والإحسان. إذ فإذا أسقط العلماء واتخذ الناس رؤوسا جهالا من يعود بالناس إلى دينهم كيف يخرجون من الحال من حال الذل والهوان بدون العلماء. Donc si les gens font tomber les ulama et ils prennent des têtes ignorantes, alors les gens ignorants à leur tête. Alors comment, qui va ramener les gens à leur religion? Et comment les gens vont être capables de sortir de cet état d'humiliation sans les ulama? C'est clair que ce n'est pas possible. Et il dit, عن بصر ابن عبيد الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وهذا الحديث حذر من دعاة الضلالة الذين هم على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها وأرشد إلى أن العلاج في لزوم الجماعة والسمع والطاعة وأشار بذلك إلى محور دعوة دعاة الضلالة دعوة الناس إلى ما يفارقون به الجماعة ويخرجون به عن السمع والطاعة عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وهذا الحديث بيّن أن الافتراق سيحصل في هذه الأمة وأن العلاج في لزوم الجماعة وهي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونبذ البدعة والاختلاف. Donc le cheikh il explique, il a mentionné le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman dans lequel il dit les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah à propos du bien, tandis que moi j'avais l'habitude de lui demander à propos du mal par crainte d'être touché par le mal. Alors j'ai dit au messager d'Allah, nous étions dans l'ignorance et dans le mal, et Allah nous a ramené ce bien. Est-ce qu'après ce bien-là, il y aura un mal? Il a dit oui. Et il a dit, est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Il a dit oui, il y aura un bien, mais il y aura de la fumée dedans, ce ne sera pas clair. Et il a dit, qu'est-ce que c'est cette fumée? Il a dit, ce sont des gens qui guident par autre que ma guidance. Il y a des choses que tu vas approuver d'eux et il y a d'autres choses que tu vas désapprouver. Et il a dit, et est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Il a dit oui, des gens qui invitent aux portes de l'enfer. Quiconque répond à leur invitation, ils seront jetés dedans. Et j'ai dit, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Il a dit, ce sont des gens de notre peuple, c'est-à-dire de même origine que nous, et qui parlent notre langue. Alors je dis, et qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire si cette chose-là m'arrive, si je les rencontre? Il a dit, dans ce cas-là, tu restes avec le groupe des musulmans et avec leurs dirigeants. Et il a dit, et s'ils n'ont pas de jama'a, s'ils n'ont pas de groupe et ils n'ont pas d'imam, ils n'ont pas de dirigeant, qu'est-ce que je fais? Il dit, dans ce cas-là, tu t'éloignes de tous ces groupes et tu restes, même s'il faut que tu mordes le tronc d'un arbre jusqu'à ce que tu meurs dans cet état. Et donc, le cheikh dit que dans ce hadith, il y a un avertissement contre les gens qui appellent à l'égarement ceux qui sont aux portes de l'enfer et qui appellent les gens à y entrer pour jeter les gens qui les suivent dedans, c'est-à-dire dans l'enfer. Et il leur a donné comme orientation ou comme indication le remède à cette situation-là, c'est-à-dire de rester accroché à la jama'a et d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Et il a dit qu'il y a dans ça, le fait de savoir qu'il y a des gens qui vont appeler à l'égarement. Et cet égarement, c'est quoi? C'est de faire sortir les gens de la jama'a et de les faire sortir de l'écoute et de l'obéissance du dirigeant. Et il mentionne à ce sujet le hadith qui est rapporté selon Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé parmi nous. Et il a dit qu'il y avait parmi les gens avant nous, parmi les gens du livre, qui se sont divisés en 72 voies. Et il dit, cette religion, cette mille-là, l'islam, parmi ma umma, il y aura des 73 divisions, 73 voies, 73 groupes. Et il y en aura 72 en enfer et une seule au paradis. Et il a dit que c'est Al-Jama'a, c'est-à-dire c'est la Jama'a. Et la Jama'a, elle a été expliquée par Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit que la Jama'a, c'est d'être sur la vérité, même si tu es tout seul. C'est pas une question de nombre ou de groupe. Et il a dit que ce hadith de la division, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que ça allait se produire. Et il a mentionné également le remède à ça. Et il a dit que c'est de rester avec la jama'a et de ne pas se séparer de la jama'a, c'est-à-dire ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, comme il le dit dans une autre narration, ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, et de rejeter toute innovation et divergence, une source de divergence. Donc ça, c'est les points que le cheikh a mentionnés jusqu'à maintenant. Et il termine en disant « وَجَاءَ حَدِيثٌ جَامِعٌ لِهَذِهِ الْمَعَانِ جَمِيعِهَا عَنْ سَهْلِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا أن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. Il dit que tout ce qu'on a dit a été résumé dans un hadith qui mentionne toutes ces significations. C'est un hadith selon Sahl ibn Abi Salih, selon son père, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est satisfait pour vous de trois choses et il est en colère pour vous de trois choses. Il est satisfait pour vous que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui et que vous cramponniez au câble d'Allah, hein, tous ensemble, et que vous donniez le bon conseil à celui à qui Allah a donné le commandement sur vous. Et il est en colère de trois choses, c'est al-qil wal-qal, c'est-à-dire le fait de perdre son temps dans le fait de parler, de dire un tel a dit, l'autre a dit, hein, rapporter les ragots et les discussions inutiles, et idha'atul mal, de gaspiller de l'argent, wa kathrat as-su'al, de poser trop de questions inutilement. Et donc il y a d'autres versions, et ça c'est rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta, bab ma ja'a fi idha'atil mal. Et après il dit wa hadhihi thalath qad nassa 'alayha fi hadith 'an Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul نظر الله امرئا سمع مني منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص العمل ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط بمن وراءهم الحديث وهذه الخصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها انتهى كلامه ولا شك أن من المتابعة للشرع Donc, pour terminer ce point, il dit que ces trois choses sont mentionnées également dans d'autres hadiths, comme le hadith de Zayd ibn Thabit. Il dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah illumine le visage de celui qui a entendu ma parole et qui l'a mémorisée et qui l'a transmis à quelqu'un d'autre. Parce qu'il se peut qu'une personne qui transporte une science et il la transporte à quelqu'un qui... il se peut que quelqu'un transporte une science, il n'est pas savant. Et il se peut que quelqu'un d'autre ait plus de compréhension que lui. Donc il la transmet, malgré qu'il n'est pas savant, mais il la transmet à celui qui est plus savant que lui et qui va la comprendre. Et il dit, il y a trois caractéristiques. Le cœur du musulman n'est jamais en colère contre ces choses-là. Il pense jamais du mal de ces choses-là. C'est le fait d'être pur et sincère dans les œuvres qu'il fait pour Allah, d'avoir l'ikhlas dans ses actions pour Allah seul. Deuxièmement, de donner le bon conseil aux dirigeants et de rester avec la jama'a, de ne pas se séparer du corps des musulmans. Et il dit que parce que leur invocation, elle reste derrière eux, c'est-à-dire derrière le dirigeant. Et ça c'est rapporté par qu'est-ce qu'il dit wa hadha al hadith bi asanid ba'daha sahiha wa ba'daha hasana wa ba'daha ma'lula an jama'atin min as-sahaba fa huwa mutawatir. Donc c'est un hadith qui est mutawatir, le cheikh il dit. Et donc ça c'est les trois caractéristiques. Si on il dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit si tu respectes ce hadith-là, c'est ce qui va ramener tout le bien dans les questions de la religion et de la dunya. Et s'il y a eu un problème dans la religion des gens et dans leur dunya, c'est parce qu'ils ont manqué à l'application d'une de ces trois choses. Voilà chacun en al-mutaba' al-shar munabathatul bid'a wa ahliha. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va continuer la semaine prochaine, inshallah, dans l'explication de cette risala de Cheikh Mohamed Bazmoul au sujet de Al-Khitab al-Dini, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk,